si aujourd'hui vous pouviez choisir, comme psychanalyse, vous choisiriez plutôt Jung ou Freud? Kdyby si dneska měl vybrat mezi Jungem a Freudem na psychoanalýzu, tak... No tak Freuda samozřejmě. Bien sûr Freud. Freud, pourquoi? Proč? Protože Jung se mi zdá příliš jako spekulativní, ten Freud přece jenom to má, myslím si, víc z té praxe odkoukaný. A pak jako taky jsem se dostal k tomu Freudovi dřív než k tomu Jungovi. A pak jako obdivuju ani ne tak psychoanalýzu jako terapeutickou metodu, ale spíš jako je to pro mě úžasný výkladový systém světa a člověka. A z toho Freuda právě spíš než ty analytické texty beru takový texty jako Nesnáze s kulturou nebo Budoucnost jedné iluze, který považuji za absolutně klíčový prostě. Bien sûr Freud, parce que Jung est pour moi trop spéculatif, Freud a beaucoup plus de pratique ou d'expérience pratique, aussi parce que j'ai découvert Freud plus tôt, et j'admire la psychoanalyse pas tellement en tant que méthode thérapeutique, mais en tant que système qui explique ou qui essaie d'expliquer le monde et l'homme, donc c'est ça qui m'intéresse. Et j'aime, chez Freud, j'aime beaucoup les textes comme, alors je ne connais pas les titres français, mais ouais. Difficulté avec la culture, ouais. Et L'avenir d'une illusion. Ça pour moi, c'est des textes clés très importants. D'accord. Vous privilégiez dans votre travail la liberté de création, laisser travailler l'inconscient. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour le spectateur? Et donc, qu'est-ce que vous pensez finalement des gens qui analysent votre œuvre? Des journalistes comme ça qui écrivent sur vous et sur vos films. Takže hodně pracuji s nevědomím, samozřejmě to pracuji i s nevědomím diváka, tak jak vnímáš, nebo co si myslíš o lidech, kteří se snaží tvé filmy analyzovat, nebo nějak o nich píší, nebo... Tak moje filmy jsou imaginativní a to znamená, že umožňují mnoho výkladů. A já taky říkám vždycky, že všechny výklady jsou správný, všechny interpretace jsou správný. A samozřejmě, že mě zajímají ty interpretace těch diváků, protože jsou někdy velmi kuriozní. Stalo se mi například s Otesánkem v Izraeli, kdy za mnou přišla paní a říkala, že to je film o Izraeli, Otesánek. Což mě zaujalo, protože jsem si říkal, to, že mi musí vysvětlit. A ona říká, no, my tady taky stojíme před situací, buď se vystěhovat, nebo se zabarikádovat. Což je jedna věta z toho filmu. A na tu větu ona vlastně celý smysl toho filmu nasadila, protože ta korespondovala s jejím stavem. Čili to je zajímavý právě u imaginativní tvorby, že ona vlastně se stává aktuální i přes psání toho autora, který to dílo udělal, a že nabírá vlastně postupem času nový významy, který v době, kdy ten autor to dílo dělal, tak prostě ho vůbec nebyly aktuální, čili vůbec ho ani nenapadly. A tím se prostě imaginativní dílo prostě se stává stále živým, protože právě nabaluje nový obsahy oproti, řekněme, realistické tvorbě a překračuje teda ta imaginativní tvorba to, čemu se říká dokument doby. Oui, mes films sont imaginatifs, donc permettent beaucoup d'interprétations ou d'explications, et moi je dis toujours que toutes les interprétations sont bonnes. Parce que chacun peut y trouver, chacun réagit à sa façon. Et des fois, les interprétations des spectateurs sont très curieuses. Par exemple, en Israël, une dame qui a vu Otesanek m'a dit « c'est un film sur Israël ». Et je demandais pourquoi. Et elle disait, ben, nous aussi, on se retrouve devant la situation, devant le choix, soit se barricader chez nous, soit déménager, partir. Et donc, elle a pris une phrase dans le film et elle a interprété à partir de cette phrase le film entier à sa façon. Donc, ça, c'est ce qui fait que la création imaginative, en fait, se réactualise sans cesse, devient sans cesse actuelle. Chacun y peut y projeter les choses que l'auteur n'a même pas eu à l'idée, n'y a même pas pensé, parce qu'à l'époque où il l'a fait, c'était pas d'actualité. Mais par rapport à un film réel, du coup, une création imaginative, une œuvre imaginative est toujours vivante parce que prennent sans cesse un sens nouveau. Voilà. Mais ça, c'est le spectateur. L'analyste, par exemple, Buñuel, disait que quand on parlait de ses films, des fois, les analystes en faisaient beaucoup, par exemple, sur le fait qu'il y ait tel ou tel personnage, il voyait énormément de choses antichrétiennes, par exemple, anticatholiques, etc. Et lui, souvent, disait que dans ses films, c'était juste que, ben, par exemple, M. Jean-Pierre Meyrier disait, les films sont trop courts, donc je devais rajouter des scènes, et j'ai rajouté les personnages qui me venaient, etc. Uh-huh. Et les analystes, d'un seul coup, font, et c'est un peu différent du spectateur, est-ce qu'il est... Il n'a pas peur justement que ces analystes mm-hmm. tendent à justement compartimenter uh-huh. son cinéma. Říká, že to jsou diváci samozřejmě, ale potom ty analytici jakoby tvých filmů, kteří jako cituje například Buñuela, že interpretovali spoustu věcí, jako že jsou antikatolický, antikřesťanský, a Buñuel to tak ani nemyslel. Tak jestli nějaký analytici tam zase nehledají zbytečně, třeba v tom, že jsi tam přidal scény, aby film byl delší, jestli to nějak zbytečně nepitvají a ne. Tak já zatím třeba u tohle toho, protože ještě nebyla ani premiéra, čili to vidělo jenom pár lidí zatím, takže ohlasy vlastně pořádný nemám na tenhle ten poslední film. Psychoanalytici se trochu bouřej, že takhle psychoanalýza nevypadá, ale pak si uvědomují, že ona to sama se kritizuje, že říká, že by se vůbec neměla ptát, že by to měla, a tam říká, jak by měla vypadat ta psychoanalýza. Ale zase naopak kvitujou teda ten souboj toho Junga s tím Freudem, že jo. Takže fakt je, že jsem musel někdy bránit se, že nemám nic proti psychoanalýze, že naopak jako je pro mě v podstatě fantastickou věcí, ale že ta psychoanalytička je určitým terčem, grotesní postavou trochu, tak to jim jde trošku proti srsti, no. Já vím, že Telerovský ze skupiny jako říkal, no ale to není žádná psychoanalýza, takhle psychoanalýza nevypadá, že jo. Protože on se tím zabývá, jasně, že jo. Jasně, ben, pour ce film, le nouveau film, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réactions, parce que la première à Prague se fera que le 3 novembre, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'écho, mais en général, c'est sûr que les psychoanalystes ne seront pas d'accord avec mon interprétation. J'ai eu déjà quelques échos parmi les amis psychoanalystes qui me disent que ce n'est pas comme ça qu'on fait une psychoanalyse, etc. En même temps, ils aiment bien la lutte entre Freud et Jung. C'est sûr que la psychoanalyste est un personnage grotesque dans le film, ça ne va pas leur plaire, mais bon, pour l'instant, c'est trop récent. Comment, quand la liberté est si importante dans son acte de création, comment aujourd'hui et comment avant, comment on réussit à garder cette liberté Comment on réussit comment à garder finalement cette liberté de création. Že svoboda je v těch filmech tak důležité téma, jak to děláš, že si dokážeš zachovat tu tvůrčí svobodu pořád? To nevím, jak to dělám, ale asi to chce trošku být tvrdohlavej, protože to zvlášť v té době, kdy jsem třeba dělal ty krátké filmy,

který nebyl omezovaný ekonomicky, protože ten stát dával vlastně peníze na tvorbu, která byla zaměřená proti němu, což je úplně ideální stav. Ale takovýhle díry prostě v té civilizaci, těch není mnoho. Ale toto byla taková díra, která byla ideální v podstatě. La période idéale, c'était les années 60, parce que la censure était, les choses se sont un peu détendues, il y avait plus de liberté, la censure était supprimée jusqu'à 68, jusqu'à l'occupation russe. Et donc, en fait, l'État finançait une création qui était contre lui. C'était une sorte de trou qui n'arrive pas souvent dans la civilisation actuelle, mais c'était une période idéale. Justement, quelle trace lui laisse ses films passés? Une fois qu'il les revoit, est-ce qu'il regarde ses films et quelles traces les laisse et en quoi pense-t-il que ça ressurgit dans ses films présents? Les films du passé. Oui, quand il regarde ses propres films. Do jaký míry se vracíš ke starým filmům a jak poznamenávají tvé nové filmy to, že třeba se na ně znovu podíváš, jestli se to nějak projevuje no, v těch já, nových já filmech? Já se moc nevracím k těm filmům, protože, jak říkám, je to jednou uzavřená věc, je to konzerva vlastně, s kterou už se nedá nic dělat. Nedá se to opravovat, nedá se přetáčet, prostě ten film je hotový, takže já ho vždycky odstřihnu od sebe a on pak už si žije vlastním životem a musím říct, že si svoje filmy jako nepouštím jako s nějakým záměrem. Jen možná, když hledám, když chci rekonstruovat některou rekvizitu pro nějakou výstavu, tak se podívám, jak ta rekvizita vypadá třeba. Ale to je úplně jako účelová projekce pro jiný teda účel, než se podívat na to, jak jsem to udělal. Že jo? A fakt je, že když pak se dívám, tak říkám si, už bych to neuměl udělat. Ten film nevím, říkám si, nevím, jak jsem ho dělal, už bych to neuměl, nechtěl bych to dělat znova, protože bych to neuměl. Jinak samozřejmě jsem autorem teda v podstatě jednoho filmu. Je to furt to téma a varíruju, ale i postupy některý. Některé obsese se tam neustále objevují v těch filmech, je z jednoho filmu do druhého. A takže v podstatě, jak jsem říkal, kdyby se to sestříhalo do jednoho filmu, tak možná, že by to dávalo nějaký kompletní děj, jako, který by byl možná ještě pregnantnější, než když se to takhle promítá film od filmu. Bylo by to teda asi dlouhý uděláš, už teďka, cože? Až nebudou peníze, tak uděláš no, to. No, takže by se to odstřihali titulky a že by se to slepilo jako jeden film. Donc en fait, je reviens pas à mes vieux films, je considère que c'est une sorte de conserve, de boîte de conserve avec laquelle on ne peut plus rien faire. Donc, qui vit sa vie et on peut pas le changer, donc j'y reviens pas souvent. Je les regarde seulement quand je veux, par exemple, regarder quand j'ai utilisé un décor concret, je veux revoir comment c'était, si je vais le réutiliser. Donc vraiment, je fais des projections très utilitaires de mes films. Mais c'est vrai que des fois, quand je le regarde, je me dis, ah ça, je sais plus comment je l'ai fait, je saurais plus le faire aujourd'hui, je voudrais pas avoir à le refaire aujourd'hui. Et surtout, je pense que je suis un auteur d'un seul film, que tout ça, c'est un seul film, les sujets varient, mais si les obsessions reviennent, les moyens que j'utilise reviennent, etc., je pense qu'on pourrait enlever les génériques et monter tout ça ensemble et que ça ferait un seul film. Alors justement, dans les obsessions, Jean-Jacques Meyer, est-ce que la poule Jean-Jacques Meyerienne, en français c'est difficile, vient-elle avant le bébé Jean-Jacques Meyerien, parce que quand on regarde ces films, les deux sont animés dans quasiment tous les films, et aussi bien en papier découpé, en prise de vue, enfin il y a absolument tout. Donc, la poule vient avant le bébé ou le bébé vient avant la poule? Takže jedna z těch obsesí, nebo ty tvé obsese, je taky ta slepice. Říkáš Švankmajerovská slepice a ptá se, co bylo dřív, jestli Švankmajerovská slepice nebo miminko, protože ve všech filmech máš jak miminka nějak animovaný nebo nějak a slepice. Tak ty miminka si neuvědomuju ani, ale vím, že mám teda v každém filmu jídlo, mám tam jazyky. Ty slepice se objevily až teprve teďka v posledních asi třech filmech, že jo. Ale tam mají v každém tom filmu mají trošku jinou úlohu, že jo. Tady v tom posledním je to jakoby pohled toho hlavního hrdiny na ženský, že jo, prostě, že jsou to slepice, prostě všecko, že doma takovou slepici má. A v tom v šílení ty slepice jsou vlastně jakousi analogií těm chovancům toho, který, s kterým je taky zacházeno jako se slepicema, v podstatě jsou krmený a pobíhají tam stejným způsobem po tom blázenci. A ve Spiklencích slasti je to kohout, že jo? Tam teda ten kohout má jinou funkci než slepice, tam je to prostě ta sexuální potence, že jo, jako. Mm-hmm. Donc les bébés, je réalise même pas que mes obsessions, c'est surtout la nourriture, par exemple, et des choses comme ça. Pour ce qui est des poules, elles n'apparaissent que dans mes derniers trois films. Et dans chaque film, la poule a un rôle différent. Dans le dernier film, c'est la vision que l'héros principal a des femmes, parce que pour lui, toutes les femmes sont... Tu sais qu'on dit qu'une femme, quand elle est bête, c'est une poule. Je sais pas si... C'est à peu près en France. Ouais, ouais. Donc, pour lui, il a une poule chez lui, à la maison, et puis il considère toutes les femmes comme ça. Dans la démence, la poule, c'est une analogie avec les clients ou les malades de l'hôpital psychiatrique, parce qu'on se comporte avec eux comme ça, on les nourrit, et comme si c'était des poules aussi. Et dans Conspirateur de plaisir, c'est un coq, donc c'est différent, c'est la virilité, la sexualité masculine, etc. Il faut regarder, il y a plus de poules qui apparaissent que ça. Il y en a dans Alice aussi, j'ai revu un peu tout. Uh-huh. Et peut-être regarder un petit peu, il y a des poules qui apparaissent. Et, je ne pourrais pas dire dans les courts-métrages, mais j'en ai revu encore hier soir en rentrant après le film. Uh-huh. Et je n'ai pas tout noté, mais il y a des poules qui arrivent encore dans d'autres films. Donc, Je jich tam až víc, než si myslíš. Že i v Alence je slepice a že i v krátkých filmech, že jsi včera ještě pouštěl večer a že taky tam jsou. Jo. Už ne, no. Valence slepice. Dans Alice. Dans Alice, à un moment donné, bah, dans tout le débarras, à un moment donné, il y a une poule qui se. C'est peut-être un hasard, mais il y a une poule qui se balade en fait. Je t'en prochaise slepice. À un moment donné. Enfin, je crois que quand tout début qu'elle est dans sa chambre, ou à un moment donné, je sais qu'il y a une poule. C'est pas long, hein. Je t'en mets à bien, et tant que pour y des slepice. Ah, il y a ma part de bêtises, slepice, tant. Et dans l'appartement aussi, il y a une poule. Exact, dans l'appartement ici, voilà. Donc, il y en a un peu plus souvent que... justement, comment se fait le casting des objets dans ces films? Est-ce qu'il revoit même certains de ces objets? Alors, il a dit non, mais dans Jabberwocky, par exemple, il y a une poupée et un jeu de construction qui se retrouvent dans Alice. Donc, est-ce que des fois, comment se travaille ce casting des objets dans ces films? Jak si vybíráš předměty, které budou hrát v tvých filmech? Že v Jabberwocky je panenka, která pak se objevuje v Alence? To jsem chtěl říct, že prostě některé ty rekvizity nebo i postavy přecházejí z filmu do filmu. Například Kloboučník je Don Pedro v Donu Shinovi. Že jo? Uh-huh. Je to ta samá figura. No to, a jak je vybíráš? Já vybírám tak rekvizity do těch filmů. Já jsem sběratel, že? Já sbírám kde co. Ale zajímají mě především ty předměty, které prošly nějakým, které byly svědky nějakých emocionálních vypětí, nějakých dějů. A to jsou samozřejmě věci staré teda, jo. Čili není to nějaký, tím, že vystupují v mých filmech ne nové věci, ale staré věci. Tak to není proto, že bych byl nějaký staromilec nebo prostě jako nějaký jako jsou ty klub za starou Prahu, že jo, tak prostě nějaký takovýhle jako sběratel starožitností. A já to sbírám právě proto, že v těch věcech cítím nějaký obsahy, které se do toho dostaly právě tím dotýkáním, řekněme, čili hledám ten taktilní rozměr těch věcí. A těma věcma se obklopuju, ty potom obsazuju do těch filmů a snažím se z nich dostat ty obsahy, ne které já jim se snažím, nesnažím se jim vnutit nějaký obsahy, snažím se naopak ty obsahy z nich dostat nějakým způsobem. A ty předměty potom, to je třeba... Tak jsou to předměty, které třeba znám z dětství, které nějakým způsobem jsme měli doma. Že jo? Když se řekne židle, tak každý pod tím představuje si nějakou jinou židli. Že jo? Pro mě židle znamená bílá lakovaná kuchyňská židle, protože takový židle jsme měli v kuchyni a to byla první židle, kterou mi maminka řekla, to je židle. Že jo? Takže to jsou zase věci, které jsou spojené s tím dětstvím, který je pro mě jako důležitým zdrojem inspirace. Mm-hmm. Takže ve všech mých filmech najde bílou lakovanou židli. To. Oui, donc bien sûr, les différents objets passent d'un film à l'autre. Par exemple, le chapelier dans Jabberwocky et ensuite Don Pedro dans Don Juan. Donc, en fait, je suis collectionneur, je collectionne un peu tout, mais ce qui m'intéresse, c'est les objets qui ont été témoins des scènes ou émotionnelles ou des actions émotionnelles, ce qui sont donc forcément des choses anciennes. Donc, si on ne voit pas dans mes films des choses nouvelles, ce n'est pas parce que je suis contre les nouveautés ou que je veux défendre les vieilles choses, mais simplement, dans ces vieilles choses, je sens des contenus qui sont entrés dedans parce que quelqu'un les a touchés, parce qu'ils ont assisté à des scènes différentes, etc. Et moi, j'essaye ces contenus-là de sortir. C'est-à-dire, moi, je ne leur impose pas mes contenus, j'essaye de sortir ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont pu enregistrer ou de quoi ils sont imprégnés. Et donc c'est d'un côté ça, et de l'autre côté, bien sûr, les objets que je connais depuis mon enfance, qui par exemple, une chaise, quand on dit une chaise, chacun imagine autre chose, pour moi c'est toujours une chaise blanche, vernie, avec du vernis blanc, parce que c'était les chaises chez nous à la maison, c'est là que ma mère m'a dit, ça c'est une chaise pour la première fois, donc vous verrez dans tous mes fils une chaise vernie en blanc aussi, donc c'est beaucoup lié à mon enfance, bien sûr, qui est très important pour moi. Donc il y a un travail différent entre l'acteur en prise de vue réelle, qu'il laisse se diriger, et par exemple, est-ce qu'il se laisse plus diriger par l'objet, que comment il travaille entre l'acteur en chair et en os, et l'objet finalement, comment lui en tant que réalisateur il travaille avec les deux, est-ce qu'il y a une différence ou il les laisse Jestli teda s těma předměty, když se z nich snaží dostat ty věci, ne jim je dávat, ty obsahy, tak jak se k ním chováš, když to srovnáš teda s prací s herci a práce s předměty, je to podobný, nebo je to... No, samozřejmě, že naši předkové teda používali magické praktiky, tak oživovali ty předměty nebo komunikovali s nima pomocí různých rituálů, což když to v současné civilizaci se k těm věcem chováme opravdu jenom jako utilitárně. A že oživuju právě tyto věci ve svých filmech, tak tím vlastně se snažím zpochybnit tu realitu a ten vztah současný utilitární k těm věcem, protože oni ožívají a dostávají prostě jiné funkce a právě emocionální. A ten emocionální vztah k věcem, ten úplně vymizel, že jo, ze současné civilizace. A samozřejmě, že podobně teda pracuju teda s hercema, což někteří jaksi nelibě nesou a mají pocit, že teda jsou v mých rukách jakými se loutkami, který nemají vlastní vůli. Ale některým to zase naopak vyhovuje, protože vlastně se jsou herci, kteří jsou spontánní, kteří teda jaksi jsou živelní a kteří se svým způsobem nedají režírovat, a pak jsou herci, kteří potřebují vedení. A něco jiného je divadlo, něco jiného je film. V tom filmu jako já nepotřebuji nějaký velký herecký výkony. Tam to skutečně je postavený ten film na velkých detailech, na nějakým vnitřním jiskření toho herce. Čili musí ten herec být větší osobnost než na tom divadle. V mých filmech moc ty gesta nehrajou tak velkou roli, protože používám málo celků, kde by se ty gesta uplatnily. Já používám hlavně detailů, jak si všim nepoužívám pohybu kamery, ale dělám to všecko střihem, čili ta montáž se skládá v podstatě z řady detailů, z kterých se vytváří vlastně ten herecký projev. Takže pro mě je důležitější, jak vypadá oko toho herce, nebo jak vypadá jeho pusa, než jaký je to herec, jak dovede hrát. Oui, donc nos ancêtres, utilisaient différents rituels par rapport aux objets, mais alors qu'aujourd'hui on ne voit que l'aspect utilitaire des choses. Et le fait que je les anime, j'essaie de mettre en doute ce rapport utilitaire qu'on a aujourd'hui avec les choses, et en les animant, je leur donne, ou je sors de cette charge émotionnelle qui a complètement disparu dans la civilisation d'aujourd'hui. Et je travaille d'une manière similaire avec les acteurs. Bien sûr, certains, on n'aime pas ça, on a l'impression d'être qu'une marionnette sans leur propre expression. Mais il y en a d'autres qui aiment ça. En tout cas, chez moi, l'acteur doit être une plus grande personnalité qu'au théâtre, parce que chez moi, les grands gestes jouent un rôle très petit. Moi, j'utilise surtout des gros plans, des détails, à partir desquels ensuite mon film. Donc, je choisis surtout par rapport à la personnalité d'acteur, par rapport à ses yeux et sa bouche, comment ils ont une charge émotionnelle antérieure qui se voit leur personnalité, et après leur performance artistique, je la monte moi-même, c'est pas à partir des gros plans. Donc c'est vrai que c'est un peu comme avec les objets. J'aimerais bien faire des interviews d'objets qu'on ferait dans ces films un jour. Tu verras, tu as un rozhovor s některými předměty, které hrajou v těch filmech. Justement, c'est étonnant parce que par rapport à des films, donc Sylvain Meyer travaille beaucoup sur le tactilisme, on voit en effet beaucoup de gros plans de bouche, et finalement plus de gros plans de bouche que de plans de main, finalement. Et comment la langue, c'est deux questions en fait, comment la langue devient un objet du cinéma tactiliste, on va dire, la langue qui pourrait plutôt représenter le goût, comme hier on voit dans le film où elle lui lèche le visage avec cette grande langue. Takže se tam objevují v těch filmech ty velký detaily samozřejmě, a že hlavně pusa, mnohem víc třeba než ruce. A jak se jazyk stal u tebe vlastně taktilním taky předmětem, většinou je to spojováno s chutí, proč má jazyk tenhle u tebe takovou... Já tohle to moc dobře nevím, ale fakt je, že ten jazyk najde skoro ve všech mých filmech a... On souvisí pravděpodobně s tou agresivitou těch úst, že jo? Protože je to takový zvláštní útvar, který samozřejmě má i erotický, vzbuzuje erotický analogie. Je to skutečně zvláštní útvar, který nějakým způsobem mě fascinuje a dokonce ho i docela rád jim. Oui, la langue est pratiquement dans tous mes films. Ça, bien sûr, mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est sans doute une sorte d'analogie avec l'agressivité de la bouche, s'il y a des connotations érotiques, bien sûr. Et c'est quelque chose d'assez étrange qui me fascine, et j'aime le manger aussi. comment on voit hier dans le film, Survivre à sa vie, qu'il utilise en effet les gros plans donc en prise de vue réelle et les plans larges qui sont tous en animation. Il y a vraiment un jeu. Dans l'introduction, il dit que c'est aussi pour des raisons économiques, en jouant avec ça. Comment se met en place sa recherche entre l'image par image, la technique de l'image par image et la technique de la prise de vue réelle dans le film d'hier et puis dans, dans tous ses films. J'étais velký detaily, že jo, ty herci jsou tam ve velkých detailech a pak ty širší scény jsou tam animované, jak si ty scény z dálky jsou tam animované. Jak to, jako, jak se ta, jak to propojuješ tu v tom novém filmu, tu práci, teda to toho, animace okýnko po okýnko a pak ty herce a tak. My jsme dělali, jsme asi 3 měsíce experimentovali vůbec s touhle technikou, protože ten první impuls byl skutečně, jak říkám, v tom úvodu, jako ušetřit peníze, protože se tím podařilo celý ten film přestěhovat do ateliéru, že jo. Přišel jsem na to, že samozřejmě nejlépe se to propojuje, ta hraná část, tu animovaný, když ten střih je uprostřed pohybu. Nikoli ve statických fázích, ale uprostřed pohybu. Jak jsi si všim, tak právě ten střih je dělaný tímhle způsobem. A v těchto situacích se to nejlépe propojuje. Donc la première impulsion c'était bien vraiment les raisons économiques parce que ça a permis donc de déménager tout le tournage dans l'atelier, ne pas faire des scènes à l'extérieur. On a fait des expériences pendant 3 mois et je me suis rendu compte que le mieux pour relier les parties jouées et les parties d'animation, c'est faire le montage au milieu d'un mouvement, pas dans les scènes statiques, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours quand au milieu d'une scène qui bouge qu'on fait la coupe pour passer à autre chose, à une scène jouée ou animée. Donc, to znamená, že se muselo, protože ty partie reální se točily zvlášť, že jo, a ty animované taky, netočilo se to kontinuálně. Takže ty herci potom, jsme jim pouštěli ty animované části, do kterých oni se museli trefit, aby přesně chytili ten pohyb, když se to stříhal uprostřed pohybu. A zase obráceně, když jsme měli napřed natočený ty laufové věci, ty hraný věci, tak zase ty animátoři se museli koukat na to, aby natočili ten animovaný pohyb přesně, aby to přesně sedělo. Jasně. Rychlostí, směrem charakterem toho pohybu. Takže my jsme průběžně střihali ten film, že jo. A hned se to natáčelo na video z toho okýnka stříhacího stolu a pouštilo do televize, aby si to mohli ty animátoři, tak zase potom ty herci na to koukat, na ty pasáže, do kterých se trefovali. Donc c'était assez compliqué parce que on n'a pas fait ça en continu, bien sûr. On a fait d'un côté les scènes avec les acteurs et de l'autre côté les scènes animées. Et après, donc quand les acteurs jouaient, il fallait qu'ils regardent bien la scène d'animé sur laquelle ils vont enchaîner pour que le mouvement soit continu. Et l'inverse, quand les animateurs faisaient de l'animation, on leur a projeté les scènes des acteurs sur lesquelles ils doivent enchaîner avec l'animation pour que la vitesse du mouvement, la direction, le sens que ça fasse. Donc c'était assez compliqué. Quand on a fait le montage au fur et à mesure, on filmait sur une caméra vidéo et on projetait à la fois aux acteurs et aux animateurs pour que tout ça s'enchaîne. Ça marche très bien en tout cas. C'est tout pour être le dernier. Pour le montage, pour comprendre aussi bien le montage comme il le fait, qui est quand même une chose importante dans ce cinéma, est-ce qu'il a passé un pacte avec Faust, avec Eisenstein ou avec Vertov? Ptá se, jestli si podepsal pakt s Faustem, Eisensteinem nebo Vertovem, kvůli tomu střihu, že je tak jako výborný ten střih tvých filmech. Tak... Ne, tak já si myslím, že film je především střih, jo? To, že je úžasná věc, střih, a to je to, co má taky film podobného se snem. Jo? Sen taky pracuje se střihem, jo? Přenáší nás okamžitě do jiné situace, do jiného prostředí a Takže já vlastně vytvářím svůj film ve střižně. Jo. Samozřejmě, že to předpokládá, že musí člověk už myslet na ten střih při natáčení, ale já při natáčení taky točím většinou alternativy střihu. Aha, a pak vybírám nejlepší záběry pro tu montáž, nebo tu varianci té montáže v té střižně, prostě, abych měl na vybranou. Že? Pour moi, le film, c'est avant tout le montage. C'est très important, c'est le montage qui fait le film. Et c'est aussi ce que le film a du commun avec le rêve. Un instant, il peut nous transporter dans une autre réalité, dans une autre situation, etc. Donc pour moi, le film se fait dans la salle de montage. Mais bien sûr, il faut y penser déjà pendant le tournage. Et pendant le tournage, je me fais déjà plusieurs variantes pour le... Je pense au montage et je fais tourner plusieurs variantes pour qu'au moment du montage, j'ai le choix entre différentes versions. A stříhám permanentně během natáčení, takže neustále můžu ještě, jako když se mi to nelíbí v té střižně, mohu to přetáčet stále. Že? Et je monte déjà pendant le tournage sans cesse, comme ça si au montage il y a des choses qui vont pas, qui me plaisent pas, je peux les retourner, etc. Dans une interview, il dit que pour Alice, j'ai même fait un storyboard, ça veut dire qu'il fait jamais de storyboard d'habitude. V jednom rozhovoru si řekl, že pro Alenku máš dokonce storyboard, tak to znamená, že je obyčejně neděláš, že to bylo jako... Nedělám. Já teďka už nedělám vůbec. To, pro tu Alenku jsem to musel, protože to byla jako první taková koprodukce a ty koprodukční partneři to chtěli. Takže tam jsem to udělal, ale jinak to nedělám už. Maximálně si udělám některé pasáže, že si je rozkreslím. Třeba u Fausta jsem si udělal některé pasáže, jsem si takhle rozkreslil. Ale jinak to nedělám a dokonce ani podle scénáře netočím, improvizuju. Vlastně udělám scénář jenom proto, aby mohl produkční udělat rozpočet a pak už improvizuju prostě před kamerou. Vlastně jakýsi technický scénář dělám těsně před natáčením, to každý den zvlášť prostě si udělám takové, jako projdu si scénu, kde budu točit ten den a udělám si poznámky prostě pro postavení kamery a pak v podstatě to každý den vlastně improvizuju ten film. Takže nemám ani u tohle posledního filmu jsem dělal technický scénář, protože se tam kombinuje ta animace s tou reálu dost jako frekventovaně, tak to jsem dělal, ale zase tuškou prostě, existuje to v jednom exempláři, kde jsem dával vždycky tu scénu prostě, co se připravovalo, tak jsem to zapisoval. Byl jsem celou dobu seděl jsem ve své místnosti prostě a potom teď jsem to prakticky dirigoval celé to natáčení. Takže nikdo vlastně nevěděl pořádně, jak ten film bude vypadat. Měl jsem to jenom já a pak jsme si vždycky udělali takové jako pro ty animované části jsme si na počítači udělali takový malej jako informativní storyboard. A to se dělalo záběr od záběru. Jako na začátku, že by byl udělaný prostě jako precizní, jako to dělají některý režiséři, kreslený scénář a podle něj potom vlastně jenom realizují, tak takhle to nevznikal. Ani dokonce tenhle ten komplikovaný film. Oui, je fais jamais de storyboard. Pour Alice, c'était nécessaire parce que c'était ma première coproduction avec l'étranger. Il l'exigeait, donc je l'ai fait, mais je ne le fais plus. Maximum, j'ai fait quelques passages. Pour Faust, par exemple, j'ai dessiné quelques scènes, quelques passages. Et même, je ne tourne même pas. J'ai un scénario en général que je fais uniquement pour le producteur pour qu'il puisse faire un budget. Mais après, j'improvise complètement. J'utilise même pas le scénario de départ pendant le tournage. Après, je fais une sorte de scénario technique chaque matin, chaque jour. je note pour moi où sera placée la caméra, etc., pour la scène qu'on va tourner, mais après j'improvise totalement. Pour le dernier film, j'avais une sorte de scénario technique quand même, à cause de cette combinaison de l'animation et des scènes jouées, quelque chose que j'ai fait pour moi au crayon. Il n'y en avait qu'un exemplaire que j'avais moi, donc j'étais le seul sur le tournage qui savait comment allait être le film. Personne d'autre ne savait, et moi je dirigeais depuis la salle où j'étais tout le film. Et pour les parties animées, après on a fait sur ordinateur une sorte de petit storyboard pour chaque image. Mais c'est tout, je fais jamais de storyboard dessiné au début de film, que je respecterai, qu'en font beaucoup de réalisateurs. Donc tout est bien en place dans la tête, ça se mélange pas au bout d'un moment? Je sais que ce n'est pas ma touche, mais ce n'est pas possible. Personne ne vient ani nemá ani asistenta těch filmů. A u Šílení jsme dokonce ani netočili klapky. Jako čísla záběru, čili jsem to měl celý film v hlavě, jak bude seřazený. Protože film se netočí kontinuálně na přeskáčku. Jasně. A celý jsem to měl v hlavě. Ale to je zvláštní, a přitom já nemám nějakou zvláštní jako paměť, ale při tomhle tom ten film mám vlastně celý jako v hlavě. A neměli jsme žádný jako problém, jako že bychom měli, odkud má přijít, a já nevím, že by potom ve střižně byly nějaký problémy, že by to nepasovalo do sebe. Oui, j'ai tout dans ma tête, tout le film, j'ai même pas d'assistant, j'ai tout le film dans ma tête. Et pour des démences, par exemple, on n'a même pas tourné les comment vous dites, quand on fait le clapet, on dit le numéro de l'image, le clap, quoi. Le clap, oui. On n'a même pas fait ça. J'avais tout dans la tête et je savais exactement comment les choses vont s'enchaîner. Et on n'a même pas eu de problème au montage avec le sens, qu'il arrive du mauvais côté, etc. Tout était... Donc, c'est étonnant, je n'ai pas une mémoire très particulièrement bonne, mais quand il s'agit du film, il est entièrement dans ma tête, oui. Alors justement, dans Chileni, je ne sais pas si on dit comme ça, Chileni. Chileni. Il dit, à un moment, une personne dit qu'il y a trois manières de diriger un asile. Est-ce que pour un film, on a l'impression depuis tout à l'heure, en fait, il y a une seule manière, M. Jean-Meyer dirige d'une seule manière. Est-ce qu'il y a plusieurs manières quand même, ou est-ce que pour lui, il n'y a qu'une seule manière de diriger un film et pas trois manières? Et qu'est-ce qu'un tournage finalement? Est-ce que ça ressemble un peu à un asile, un tournage d'un film? Říká, že v Šílení tam je scéna, kdy někdo říká, že jsou tři způsoby, jak vést psychiatrickou nemocnici, a že ty máš teda jeden způsob, jak vést natáčení nebo jak vést film, tak se chce zeptat, jestli jsou jiný způsoby, nebo jestli ty máš jenom tenhle jeden, a co to vlastně znamená natáčení. Samozřejmě, že každý film je jiný, takže teď jsem popsal několik způsobů, jak jsem ty filmy dělal, že jo. Takže on si řekne ten film vždycky o tu metodu, jak to dělat sám v podstatě. Fakt je, že já ho nechávám až do konce vlastně otevřený, že nejsem ten režisér, který realizuje scénář, ale který ho nechává volnej, otevřený a vypadá jinak než na začátku, konečný útvar vypadá jinak, než vypadal na začátku ten film. I ten poslední film má jiný konec například, než který má ve scénáři. Jo? Takže jako, je to prostě živý útvar, a to natáčení proto rád jako improvizuju, protože to dává možnost, dává to možnost prostě neustále jako tvůrčím způsobem se na tom podílet. Jo, není to jenom takový jako vyplňování nějakých prostě a očketávání nějakých záběrů. Chaque film est différent, donc chaque film en fait dit lui-même comment il veut être tourné, comment il demande la technique ou la façon d'être dirigé ou d'être fait. Moi j'ai une façon très ouverte de le faire, comme je disais déjà. Je ne réalise pas en scénario, mais c'est un processus ouvert. Le film est souvent différent que comment il apparaissait au début du tournage, etc. Pour le dernier film, la fin est différente de ce qui était dans le scénario, par exemple. Et j'aime improviser et j'aime que ça soit un processus de création, que ça, le tournage ne soit pas juste une manière de remplir des cases de ce qui est fait, de cocher ce qui est tourné, ce qui n'est pas tourné, mais c'est un processus créatif ouvert. Voilà. Pour lui, qui est le plus cruel, Sad ou le Lewis Carroll? Kdo je krutější podle tebe, Lewis Carroll nebo Sad? No, tak asi ten Sad. Jako. To je Sad. Ale jsou to autoři samozřejmě z jedné, jako celého stejného rybníka, že jo? Jsou to z jedné strany mince. Oui, c'est des auteurs du même bord, on dirait. Mm-hmm. Est-ce qu'il pense qu'à l'instar de jeux virils, qui est une critique un peu du sport, l'art pourrait tomber dans cette... dans cette violence qu'est le sport. Jestli si myslíš, jako ty možné hry vlastně kritizují sport a tu agresivitu, jestli by do téhle agresivity mohlo spadnout i umění. Jako do té agresivity. Jako sport, jako co se stalo se sportem dneska, jestli by to hrozí, že se stane umění. Jako hrozí i umění. To jsem si neklad tuhle tu otázku, protože jednak mě umění moc nezajímá. Takže jako je me suis jamais posé cette question parce que l'art ne m'intéresse pas vraiment. Alors l'art, je sais pas, mais est-ce que une œuvre, pour qu'elle soit réussie, doit être politique, ou en tout cas doit parler du contemporain, même si elle se situe dans le passé? Jestli umění, teda nechci říkat umění, jestli dílo pro tebe musí být politický nebo nějakým způsobem mluvit o současnosti, i když se týká minulosti, jestli má být nějakým způsobem jako... Ne, tak já samozřejmě tak asi všechny moje filmy jsou nějakým způsobem angažovaný, že nevybíjejí se v nějakým estetismu. Byly ty filmy samozřejmě v těch 70. 80. letech, teda v tom totalitním Československu, publikem braný jako politický filmy. Že jo? Oni v nich hledali politické souvislosti, politické významy. Proto taky byly některé ty filmy zakazované, i když jsou to filmy imaginativní a jako v prvoplánově o politice nemluví. Že jo? Ale snažím se v těch filmech nikoli právě o takovou tu politickou pěnu, který se vyžívali třeba dezidenti. Protože si myslím, že jako je nemocná celá civilizace a snažil jsem se vždycky postihnout jako to hloubějíc někam. Ten průser, který se děje, a ten fašismus a stalinismus jsou, vlastně se na ně dívám jako na jakýsi vředy na nemocný těle civilizace. Oui, en quelque sorte, mes films sont engagés, mais pas du point de vue esthétique. Je cherche pas du tout le côté esthétique ou artistique, etc. Mais ils sont engagés dans le sens que, par exemple, dans les années 70, les gens ont pris mes films pour des films politiques, alors que ils sont imaginatifs, ils sont pas politique au premier plan, parce que je ne veux pas faire la politique dans le sens, il appelle ça de la mousse politique comme faisaient des dissidents par exemple sous le régime communiste, parce que moi je pense que c'est toute la civilisation qui est malade et j'essaye de le saisir de manière plus profonde. Pour moi par exemple, les régimes totalitaires, le fascisme, le stalinisme, c'est des ulcères sur un corps qui est malade entièrement, qui est cette civilisation est malade entièrement, et c'est ça que j'essaye de montrer ou de saisir. Mais justement, est-ce que c'est l'imagination qui est la chose la plus subversive et plus politique aujourd'hui? Takže by to znamenalo, že vlastně ta imaginace je dneska to, co je nejsubversivnější a nejpolitičtější dneska? Imaginace je vždycky samozřejmě subverzivní, protože straní možnému proti skutečnému, že jo? Zpochybňuje tu realitu, která existuje, že jo? Předkládá nějakou alternativu. Takže ano, spoléhám na subverzivitu imaginace. Oui, l'imagination est toujours subversive. Je compte beaucoup sur sa subversivité. Elle le sera toujours parce qu'elle est du côté du possible contre ce qui est réel. Elle ouvre toujours des nouvelles possibilités, etc. Est-ce qu'il pense qu'il ne ferait pas le même cinéma s'il habitait ailleurs qu'à Prague Est-ce qu'il pense que Prague est très important pour son cinéma? Si je bys dělal stejný filmy, kdyby jsi bydlel jinde než v Praze, nebo že ta Praha nějak... Já si to nedovedu představit, že bych dělal... Já jsem dělal dva filmy v Rakousku, to je pravda. Ale to Rakousko je z té stejný milie jako ty Čechy, že jo? To patřilo to i dohromady jako jeden stát dlouhý léta, ale nedovedu si představit, že bych dělal jinde. J'arrive pas à imaginer que je ferais des films ailleurs qu'à Prague. J'ai fait deux films en Autriche, mais c'est un milieu un peu similaire, mais je ne peux pas imaginer de faire des films ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui un homme d'État comme Rudolf II pourrait exister? Mohl by dneska existovat někdo jako Rudolf II? To nevím, jako mezi politikama si nedovedu takového člověka představit. Že to jsou všechno pragmatici moci, který nemají absolutně tyhle zájmy. Ale to byla výjimečná osobnost samozřejmě. I ta doba byla výjimečná. Prostě, jako kdy byly, bych řekl, v rovnováze ta iracionalita s tou racionalitou, jo, a tím, co teď převažuje ta racionální stránka. A ta iracionální nemá vlastně důstojný prostor pro vyjevení. Dans la politique actuelle, je ne peux pas l'imaginer. Aujourd'hui, c'est les politiciens, c'est des gens du pouvoir, etc. Rodolphe était vraiment une personnalité exceptionnelle et c'était une époque exceptionnelle où l'irrationalité et la rationalité, où l'irrationnel et le rationnel étaient en équilibre. Et alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le rationnel qui domine et l'irrationnel n'a pas d'espace digne de lui. Faut que je prenne un peu d'eau. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il pense que la satire aujourd'hui s'est déplacée et quand il fait signer d'un signe de croix Freud dans le film hier, est-ce qu'il pense que la satire aujourd'hui c'est ça et finalement on a déplacé la chose? Jestli se dneska satira někam posunula a jestli to, že třeba se Freud křižuje v tvém filmu, jestli to je nějaký posun jako v té satire? Tak já si myslím, že moje filmy nejsou satirický, když tak jsou jako na hraně, ty grotesky se pohybujou, že jo, a hrůzy, řekněme, toho hororu, že jo, na straně, tak se pohybuje i náš život celý, ale jako satira, to se mi moc jako nezamlouvá, jako je pense pas que... nevím, mě to slovo je protivný, protože se, že za komunistů se pěstovala satyra, že jo. Volalo po konstruktivní satyře a tak dále, takže mě to slovo je dost protivný. Je pense pas que mes films soient satiriques, en tout cas j'aime pas ce mot, parce que souvent on faisait de la satire constructive sous le régime communiste, enfin, on était appelé à faire de la satire constructive, etc. Je pense que c'est plutôt grotesque ou film d'horreur aussi, mais je ne les qualifierais pas de satirique. D'accord. Já si myslím, že to je prostě asi ta nejpříhodnější poloha prostě ta oscilace mezi tou groteskou a hororem, to, že odpovídá nejvíce realitě, kterou žijeme. Que la position entre le grotesque et l'horreur, ça correspond le mieux à la position de notre vie, de ce que nous vivons, donc je pense que c'est ça. Bon alors, malheureusement j'avais encore plein de questions, mais je me suis revenu à plein d'interviews, je voudrais juste finir sur deux, trois petites questions très rapides. Est-ce qu'un jour il pense qu'il va se réveiller? Ou est-ce qu'il va rester dans ce rêve artistique? Někdy z toho snu, v kterém žiješ, probudíš, nebo že v něm jako zůstaneš v tom sluní? Jestli žiju ve snu, tak se z něj rozhodně nechci probudit. Ale já si nejsem jistý, že žiju ve snu. Já myslím si, že skutečně, tak jak to říká ten Lichtenberg, a já ho opakuju v té předmluvě, že ten sen s tou realitou tvoří teprve ten lidský život. Takže já žiju jak v té realitě, tak v tom snu. Je pense pas que je vis dans un rêve, je suis d'accord avec Lichtenberg que seulement le rêve et la réalité ensemble font la vie, la vraie vie, et donc je vis aussi bien dans la réalité, mais si jamais je vis dans un rêve, j'ai pas envie de me réveiller. Pour lui, qu'est-ce que serait une interview surréaliste? Jak by vypadal surrealistický rozhovor podle tebe? Ne, C'est ça. C'est ce qui est dans un monde magnifique. Mais il n'existe pas. Et dans Alice, c'est ma dernière question, je suis promis. Dans Alice, il dit, on commence le film en disant, pour bien que vous regardiez ce film, il faut que vous fermez les yeux. Mm-hmm. Donc dans l'idée d'avoir une autre perception, pour bien écouter cette interview, pour bien écouter l'interview, à son avis, ce qu'il faudrait. Se boucher les oreilles, c'est, uh-huh, en fait, uh-huh, toute est l'idée de perception aujourd'hui, oui, pour lui. Qu'est-ce que c'est que cette perception par rapport à l'œuvre et uh-huh, qu'est-ce qu'il faut au niveau des cinq sens travailler? Říkáš v Alence, že aby dobře lidi vnímali ten film, tak mají zavřít oči, to znamená vnímat ho jinak. Ne, tak dostat se samozřejmě, Alenka na příště divuje sen, že jo. Ty, co to interpretují jako pohádku, pro děti se mýlej, že jo. Mm. To je nepochopení toho Luise Carrolla. A proto já tím, když říká ta Alenka na začátku, zavřete oči, jinak nic neuvidíte. To znamená, vlastně připravte se na to, že bude sen, že jo. Il faut pas interpréter Alice comme un conte pour enfants, c'est une mauvaise interprétation, c'est un rêve. Donc quand elle dit fermez les yeux sinon vous verrez rien, c'est parce que il faut se préparer d'entrer dans le rêve. Voilà. On se ještě chtěl zeptat právě na hlediska těch pěti smyslů, co dneska teda jako je důležitý pro ten rozvoj těch pěti smyslů udělat, nebo kterým směrem jako jít, nebo tak jako. Je complétais pour les cinq sens, mais bon, il a répondu oui, comme bien, ça. Je oui, puis là, je suis de roku 74 zabývám taktilní expérimentací, protože si myslím, že právě oko je příliš unavený a sluch, a že hmat je by mohl vníst teda do té tvorby nějakou autenticitu v těch pocitech, ale samozřejmě tím úběžníkem asi, kam by mělo směřovat, je skutečně ta synestézie, teda to umění pro pět smyslů. Je pense que depuis longtemps, depuis les années 70, l'œil et l'oreille sont fatigués, et donc c'est le toucher qui peut apporter une certaine authenticité dans les sensations, etc. Mais la direction qu'il faut suivre, bien sûr, c'est la synesthésie, c'est-à-dire les cinq sens.